Vous entendez ça? J'entends quoi? Un silence de mort. Ça ne dit rien qui vaille, ce silence. Appelle ça de l'industrie, pas du meurtre. C'est comme le temps, sauf que c'est fait par l'homme. 50 personnes tuées en 3 semaines de temps, c'est pas très cool, ça. 52, mais j'ai pas de temps à perdre avec les regrets, c'est du gaspillage d'émotions. Non, sérieusement, vous devez avoir quelques regrets, cherchez mieux. Eh ben, j'aimerais bien que l'Indien soit toujours en vie. Il l'a vu. Il a vu quoi? Le démon, il a vu le démon. Le démon? Quel démon? Tout le monde a le démon en lui ici, le démon vit ici. Il se nourrit de la haine, il taillade, il tue, il viole. Il se sert de la faiblesse, de la peur. Seuls les salauds survivent. On nous dit qu'on est de la merde dès notre premier souffle. Ouais, ça c'est... Au bout d'un moment, on devient mauvais. Je mange tous les animaux de la forêt. La mort, rien d'autre. Voilà, elle devient votre raison d'être. Vous avez fini? Très bien. Maintenant, arrêtons ces délires et soyons francs. C'est quoi cette pureté que vous ressentez quand vous tuez? C'est quoi dans la sien? Et ne mentez pas! Eh ben, faut avoir un flingue à la main. Et alors là, tout devient clair. Ça l'a été pour moi la première fois. C'est là que j'ai compris ce qu'était ma vraie vocation. Quelle vocation? Quelle? Et merde. Je suis un tueur né. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est que j'ai la violence dans le sang. C'est en moi. Mon père avait ça dans le sang. Son père aussi. C'est mon destin. Dis, tu crois au destin? Mon destin? On n'est pas mauvais, Mickey. On apprend à le devenir. La prise de conscience, vous connaissez, ouais? Savoir que tout ça, c'est qu'une... illusion. Monsieur Lapin indique le moment où se produit la prise de conscience. Ce moment-là vaut 1000 prières. Vous êtes cinglé, mon vieux. Gwen, je suis pas plus cinglé que vous. C'est votre ombre sur le mur, regardez. On peut pas s'en débarrasser, hein, ouais. Vous savez, il y a une chose qui tue le démon. L'amour. C'est pour ça que je sais que Mallory est mon salut. Elle m'apprenait à aimer. Je te pardonne, bébé. Oui, avec elle, j'étais dans le jardin d'Éden. Seul l'amour peut tuer le démon. Méditez là-dessus.